Section 41 de la lecture, tome 6e. Ceci est enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. La lecture, tome 6e. Section 41. La femme. Par Arsène Houssaye. Si je dis du bien des femmes, on dira que je ne les connais pas. Si j'en dis du mal, on dira qu'elles m'ont mise à la porte. Cela ne m'empêchera pas d'en dire du bien et du mal. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à dire sur les femmes, tant qu'il en restera une sur la terre. Depuis la création du monde, leur robe change. La femme ne change pas. L'homme irait presque toujours droit devant lui s'il ne rencontrait la femme à chaque pas. C'est un charmant compagnon de voyage, mais qui ne sait pas son chemin et qui nous empêche de voir le nôtre. Les femmes qui ne soulèvent dans notre esprit que des points d'admiration sont comme les tragédies de Racine, trop parfaites. On aime mieux celles qui soulèvent des points d'interrogation. Les femmes sont toutes bonnes ou toutes mauvaises. C'est selon l'homme qui les mène, comme les chevaux de sang. L'amitié vit de ses rentes. L'amour mange son capital. Les comédies ne corrigent personne. Les célimènes continuent toujours à faire des misanthropes. Pour savoir l'âge d'une femme, il faut le lui demander et le demander à son amie. Elle dira 30 ans, l'ami dira 40. On prendra le terme moyen. Fin de la section 41.